Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Pulp Fiction, le film de Quentin Tarantino. On les a vus des milliards de fois, ces personnages. Le boxeur acheté qui se révolte et gagne son combat. Le voyou chargé d'escorter la petite amie de son patron et qui en tombe amoureux. Et on ne sait pas s'il va coucher avec ou pas, etc., etc. Mon idée, c'était de prendre ces histoires comme point de départ et d'emmener le spectateur ailleurs. Sur la Lune, pourquoi pas. Amener le spectateur ailleurs et pourquoi pas sur la Lune. Le réalisateur américain Quentin Tarantino qui explique à l'émission française Signé Croisette en 1994 d'où il est parti et là où il voulait nous amener avec son film Pulp Fiction. Ce petit extrait résume parfaitement l'esprit Tarantino. Les films de Quentin Tarantino s'appuient le plus souvent sur des clichés devenus presque banals qu'il réussit à magnifier à un point tel qu'il nous amène dans une autre dimension, souvent pas très loin de la bande dessinée. Pulp Fiction est devenu un film culte et le succès du film est né dans la controverse qu'il va susciter et que va susciter surtout sa Palme d'Or en mai 1994 à Cannes. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. Okay. You know, it's funny because I never expect to win anything at any festival I've gone to where a jury has to decide. Oui, il ne s'attendait pas du tout à avoir un festival, un prix jamais dans un festival. Surtout avec un jury comme celui-là, réunir autant d'opinions pour avoir le prix. Lui, il fait des films qui, en général, font exploser les opinions des gens. La preuve. Jeanne Moreau, qui traduit les propos de Quentin Tarantino lors de cette fameuse cérémonie de clôture du Festival de Cannes le 23 mai 1994, cérémonie au cours de laquelle, donc, Quentin Tarantino reçoit la Palme d'Or pour son film Pulp Fiction. Pour nous raconter l'histoire de Pulp Fiction, je reçois Hélène Faradji, critique de cinéma, rédactrice en chef du webzine revue24images.com et auteure de l'essai « Réinventer le film noir, le cinéma des frères Coen et de Quentin Tarantino ». Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. C'est plus qu'anecdotique ce qu'on vient d'entendre. Cette Palme d'Or en 94, ça va être une des palmes les plus contestées de l'histoire du Festival de Cannes. Et puis, comment ça se passe? Ce qui se passe à la remise? On est à la radio, on ne voit pas, mais racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise immense sur la scène du Palais des Festivals à Cannes en 94, quand Clint Eastwood annonce que la Palme d'Or est remise à Pulp Fiction. Parce que c'est une année où il y a des grands films classiques d'auteurs. Il y a Nanni Moretti qui est là, il y a la Reine Margot, il y a Nikita Mikhalkov aussi. Et Quentin Tarantino, à l'époque, c'est un jeune auteur qui a la toute jeune trentaine. On le connaît, mais on ne le connaît pas tant que ça. Et son film a été présenté à la toute fin du festival, le dernier jour. Ouais. Et il a suscité un émoi chez les journalistes qui avaient l'impression qu'il se passait quelque chose. Mais en même temps, on se disait, un film comme ça, aussi tonitruant, aussi explosif, ne peut pas battre des cinéastes aussi prestigieux que ceux qui sont en compétition. Et pourtant, il a réussi. Ouais. Et effectivement, on entend un petit peu de tumulte dans la salle quand son nom est prononcé. Et c'est une femme qui, dans le public cannois, a hurlé. Alors, on ne comprend pas très bien si elle dit fasciste ou si... Elle n'aime pas le film. Elle crie au scandale. Ouais. Et Quentin Tarantino, entouré de tous ses acteurs, lui fait un doigt d'honneur. Ouais. Donc, il y a tout de suite, d'emblée, une espèce Il ricane, hein, c'est ce qu'on ne peut pas le voir. Mais quand il ricane, il entend cette femme... et il lui fait le doigt d'honneur. Voilà. Et donc, ça crée un malaise, mais bon, c'est récupéré. Et ça montre aussi, Hélène, bon, d'abord, que le film dérange dans l'enceinte canoise, parce que c'est ça aussi, et qu'il a toute une personnalité. Exactement, c'est une rockstar. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on le découvre véritablement, même si par le passé, avec Reservoir Dogs, on l'avait déjà vu faire plusieurs couvertures de magazines, s'il a une personnalité assez flamboyante qui s'était exprimée, mais à ce moment-là, ouais. à Cannes, quand il répond de cette façon à cette femme, on comprend que c'est pas tout à fait un réalisateur comme les autres. Et puis c'est un coup de pub formidable. Exactement. Le festival, autant cette palme, elle est marquante dans l'histoire du festival, l'une des plus contestées, autant pour Tarantino et Pulp Fiction, ce festival de Cannes va être important pour lui et pour son film. Ah, évidemment. Pulp Fiction, c'est un des films indépendants qui a gagné le plus d'argent dans l'histoire. On parle d'un film qui a eu un budget de 8,5 millions de dollars et qui va en gagner 214. Et c'est effectivement l'effet Cannes. Parce que remettre une palme d'or... D'habitude, les palmes d'or sont assez peu vues au cinéma. Elles n'ont pas ce pouvoir d'attraction. Mais ce moment-là, cette contestation-là, a fait une publicité folle au film. Et puis un maître en matière de publicité. On parle rarement des producteurs derrière les films. Mais Harvey Weinstein, qui par ailleurs a travaillé entre autres avec Denis Arcand chez nous, il maîtrise parfaitement l'art de publiciser, de commercialiser un film. Il va faire des pirouettes extraordinaires à Cannes. Absolument. Alors, au départ, il ne devait même pas être impliqué dans la production du film. Il devait simplement le distribuer. Puis finalement, Pulp Fiction va lui tomber dans les mains parce que les premiers producteurs le refusent en disant qu'il est trop violent, qu'il est infilmable, etc. Donc, Weinstein va embarquer là-dedans. Et va réussir à faire que le film soit projeté en séance de minuit, donc une séance un petit peu plus particulière où on attend qu'il se passe quelque chose, une étincelle, une magie. Ça devient un événement. Exactement, ça devient un événement. Il va mettre de l'avant Tarantino parce qu'il comprend, Harvey Weinstein, qu'il a là un cinéaste qui n'est pas comme les autres, qui a une personnalité, qui est flamboyant, qui adore s'exprimer, qui adore qu'on lui tende le micro, qui parle très bien de cinéma aussi, il faut le dire. Donc les journalistes sont extrêmement friand de sa présence. Et Weinstein va véritablement organiser, pas seulement à Cannes d'ailleurs, mais aussi pour la sortie du film et la campagne des Oscars, un modèle qui va lui servir par la suite à établir sa compagnie Miramax et à faire en sorte que tous les films indépendants vont être distribués comme des blockbusters. Ouais. Revenons sur ce choix donc, du jury en 1994 à Cannes. Pourquoi décerner la Palme d'Or à Pulp Fiction? Je vous propose un extrait de reportage diffusé au lendemain de la remise des prix. Écoutez bien, déjà ça en dit pas mal sur l'effet surprise dont on parlait un peu plus tôt. Il y avait des films qui étaient parfaits pour recevoir une Palme d'Or devant Pulp Fiction cette année-là. Extrait d'un reportage de Gérard Pouradi. Le 47e Festival de Cannes n'a pas dérogé à la tradition qui consiste à déranger. Alors que tout le monde attendait que la Palme d'Or revienne à Patrice Chéreau pour La Reine Margot, c'est un film de série B, Pulp Fiction, qui a obtenu la récompense suprême. Un film dont on dit sur la croisette qu'il représente d'abord une génération. Alexandre Dumas, Patrice Chéreau et La Reine Margot, malgré le gros budget de ce film où Isabelle Adjani est considérée par tous comme absolument superbe, ne pouvait évidemment pas rivaliser avec les gros revolvers maniés par Bruce Willis et John Travolta. Ça peut faire sourire le ton du reportage, mais au-delà du ton, Hélène Faradji, il n'est pas seul, Gérard Pouradier, à... Bon, il y a cette femme qui a crié dans la salle, mais ça dérange. Comment expliquer cette Palme d'Or cette année-là à Pulp Fiction? Que veut récompenser Cannes en 94? Il faut toujours se rappeler que c'est un jury qui décerne une Palme d'Or, donc c'est pas le Festival de Cannes, c'est un jury, et un jury cette année-là présidé par Clint Eastwood. Ce qui n'est pas anodin, parce que Clint Eastwood, c'est cette génération, ben, c'est pas la même génération, mais c'est ce cinéma-là, c'est-à-dire un cinéma très physique, de l'action. Lui, il a incarné le cow-boy jusqu'au vertige, presque. Et quand il voit Tarantino, j'imagine qu'il y a un effet de transmission de génération ou quelque chose comme ça. Et aussi, pour être parfaitement honnête, Pulp Fiction, c'est un film qui réveille le cinéma américain et le cinéma mondial des années 90. C'est vraiment un film qui arrive comme un caillou qu'on jette dans la mare, qui se fait remarquer, qui est extrêmement différent, qui joue avec les formes, qui joue avec le langage, qui joue avec les acteurs, qui est extrêmement ludique et qui a une façon de créer une connivence avec les spectateurs que les autres films plus sérieux, comme justement La Reine Margot, qui lui aussi est un film extrêmement violent. Quand on regarde, c'est un film très sanglant, mais qui ne va pas chercher... Plus classique, exactement. Ouais. Qui ne va pas chercher le spectateur de cette façon-là. Est-ce que l'aspect générationnel, Gérard Pouradier disait, on dit à Cannes que c'est le film d'une génération. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, changement de garde, choc des générations? Quelque chose de nouveau arrive. Absolument, tout à fait. Quentin Tarantino fait partie des premiers jeunes cinéastes des années 90 qui vont véritablement imposer un style dont on vit encore aujourd'hui les répercussions les plus fortes. C'est drôle parce que c'est Variety, le magazine américain, qui avait réussi à trouver un terme pour cette génération qu'incarne Tarantino. Il les avait appelés les Rebels with a pose. Mm-hmm. Donc les rebelles avec une pose. C'est-à-dire ceux qui ont appris le cinéma en le regardant avec des VHS. À l'époque, c'était des VHS. Et qui ont une... Clin d'œil à Rebel Without a Cause, ce fameux classique dans lequel jouait James Dean. Exactement. Ouais. Et c'est un vrai changement de génération parce que si les cinéastes de l'âge classique américain du grand Hollywood ont appris leur métier sur le tas, ceux des années 70-80 ont plus fait des études en cinéma, donc une connaissance plus encyclopédique peut-être. Ces cinéastes des années 90, eux, arrivent avec une conception du cinéma extrêmement différente, très amusée et amusante, justement avec cette idée qu'on peut faire pause, qu'on peut mélanger les genres, qu'on peut mélanger les styles, qu'on peut s'amuser avec tout ça. Ce qui, évidemment, est à la fois leur qualité et leur défaut, ou en tout cas ce qu'on leur reproche. Et de fait, Tarantino lui-même apprend, en fait, non pas dans une école de cinéma, mais apprend, se dote de cette culture cinématographique carrément dans un club vidéo. Il travaille dans un club vidéo. Pendant 5 ans, alors qu'il est tout jeune, il a la jeune vingtaine, il va réussir à trouver un emploi dans un petit échoppe de Los Angeles qui s'appelle Video Archives. Il va rester là 5 ans. Et c'est là, en fait, que non seulement il va tout regarder, de façon frénétique, c'est vraiment, il va regarder aussi bien les grands classiques de Jean-Pierre Melville que les films de Michael Bay, etc. Donc une espèce de cinéphilie compulsive, gourmande, où tout est mis sur le même plan. Mais c'est aussi là qu'il va rencontrer ses futurs collaborateurs. Par exemple, le scénariste Roger Avary, avec qui il va coécrire Pulp Fiction. En fait, au départ, ils veulent écrire une histoire qui s'appellerait Black Mask, qui serait sur le modèle d'un giallo italien, donc en 3 parties. Mais finalement, ça ne fonctionne pas. Donc chacun part avec sa partie. Et finalement, Tarantino va écrire avec sa petite partie l'histoire de Reservoir Dogs, son premier film. Et ensuite, ils vont se retrouver tous les deux à Amsterdam pendant 3 mois pour écrire ce qui va devenir Pulp Fiction. Bon, allez en piste. Pourquoi tu t'intéresses tellement à la femme du patron ? Il doit aller en Floride et il m'a demandé de m'en occuper pendant son absence. T'en occuper ? Non, non, on l'a sorti, elle est en compagnie, qu'elle se sente pas seule. Tu sais, c'est ta morale et ta fidélité qui sont à l'épreuve. J'ai cru comprendre que Marcellus, mon mari, ton patron, t'a dit de me sortir des trop petits soins et de satisfaire mes moindres désirs. Alors est-ce que t'es capable de rester loyal ? Le soir du combat, tu sentiras peut-être comme une piqûre d'insecte. L'amour propre, ça fait mal, mais ça sert à rien. Au 5e round, tu te couches. Extrait de la bande-annonce de ce film Pulp Fiction. Parlez-nous du film comme tel, Hélène Faradji. Qu'est-ce que... C'est difficile comme question, mais c'est qu'est-ce que ça raconte? C'est impossible à résumer parce que c'est plusieurs histoires qui non seulement se mélangent entre elles, mais en plus se mélangent temporellement. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe d'un jour X à la veille, puis finalement 3 jours après, puis en fait on revient, etc. Pour vous dire, à un moment du film, au bout d'une heure et demie, Vincent Vega, qui est un des personnages principaux, meurt. Mais non seulement il meurt, mais dans les scènes suivantes, il réapparaît. Donc on revient en arrière. Bref, tout ça est mélangé, mais grosso modo, on a plusieurs couples de personnages. On a Pumpkin et Honey Bunny qui vont braquer un restaurant, un jeune couple de petits brigands sans grande envergure. On a Jules et Vincent Vega qui sont les hommes de main de Marcellus Wallace, un caïd. On a Marcellus et sa femme Mia qui est jouée par Uma Thurman. On a The Wolf qui est un nettoyeur, appelons-le comme ça, qui vient aider les truands qui ont fait trop de dégâts. Et puis on a Butch et Fabienne, sa petite amie. Butch est un boxeur à qui Marcellus Wallace, le caïd, demande de se coucher un soir de combat en échange de beaucoup d'argent. Ouais. Donc, galerie de personnages, ces intrigues qui s'entremêlent, ça c'est la toile de fond. Et puis tout un style, une manière de faire. C'est une traduction qu'on a entendue, mais quand même, d'abord la qualité des dialogues, dialogue, c'est assez remarquable. Le ton décalé, devant quoi sommes-nous, Hélène Faradji, quand on est devant Pulp Fiction, devant ce cinéma de Tarantino? On est devant un objet incroyablement original qui affirme le style d'un cinéaste. Moi, c'est ce que je trouve le plus impressionnant avec Tarantino, c'est de me dire que c'est seulement son deuxième film et que non seulement c'est seulement son deuxième film, mais que déjà dans le premier Reservoir Dogs, c'était les mêmes qualités. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris le cinéma de façon tellement intime qu'il est capable d'en jouer de façon presque naturelle, extrêmement originale, extrêmement explosive aussi, parce que c'est quelqu'un qui a un sens du rythme absolument fou. Un humour incroyable. Un humour incroyable. Il est capable de faire des immenses plages de dialogue, ce qu'on fait très peu à l'époque et même encore aujourd'hui. D'ailleurs, des très, très, très longues scènes de dialogue et qui se contractent dans les dernières secondes dans une explosion de violence complètement surprenante et déstabilisante. Donc oui, il y a la qualité des dialogues, mais qui sont toujours mis en relation avec l'action, avec ce qui va arriver au personnage. On a la musique aussi, l'utilisation de la musique. Tarantino est un des premiers à utiliser des morceaux déjà existants. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette conception très ludique du cinéma, on va chercher la reconnaissance, la connivence avec le spectateur en allant chercher des morceaux quand même assez connus. C'est toujours la culture pop qui l'exploite. La culture pop, exactement. Rock and roll aussi. On a les scènes d'anthologie. Il construit son film avec en tête l'idée qu'on va se souvenir de telle scène, que ce soit la scène sadomaso dans Pulp Fiction, la scène de l'adrénaline dans le cœur, la scène du twist aussi, oui, qui est devenue parfaitement iconique entre Uma Thurman et John Travolta. D'ailleurs, c'est amusant parce que on pourrait se dire, oh, il l'a écrit pour qu'on reconnaisse Travolta, qui était un héros qui dansait à l'époque, mais pas du tout. En fait, il l'a écrit avant de savoir que Travolta allait jouer dans son film. Et c'est un hommage à Bande à part de Jean-Luc Godard, ouais, bien plus qu'à Travolta. Beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'emprunts. Certains vont parler de plagiat. Ça lui sera reproché, ça, entre autres, oui, cet aspect-là. Comme lui sera reproché la violence, l'extrême violence, dira-t-on, de ces films. Le vide, on dit qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est du divertissement, mais il y a peu de choses. Justement là-dessus, écoutez cet extrait assez savoureux d'une critique de Paul Toutant à l'époque à la télé de Radio-Canada, au moment où le film arrive au Québec, donc en salle à Montréal, en octobre 1994. Everybody be cool, this is a robbery! Pulp Fiction met en scène différents personnages de la petite pègre de Los Angeles. Des tueurs à gages, des voleurs à la tire, des trafiquants de drogue, des escrocs en tout genre. Bref, tout un petit monde de hors la loi. Le problème avec ce film trop long, 2h30, et très bavard, c'est qu'il se révèle une belle coquille vide. Le style brillant n'est au service d'aucune idée. On sort du film en se disant que Tarantino n'a pas grand-chose à dire, à part « pow pow boom boom ». Entre-temps, on a vu plein de gens recevoir des balles tirées à bout portant, dans la tête ou ailleurs, une surdose d'héroïne en gros plan, une personne traversée par un sabre japonais, une femme assassinée par un bandit qu'elle essaie de secourir, et j'en oublie probablement. Si la culture de la violence américaine vous fascine, vous serez bien servi par ce film, et de la façon la plus branchée qui soit. Paul Toutant, à Montréal. Que dire, Hélène Faradji, c'est coloré, ce reportage de Paul Toutant. L'énumération qu'il fait, ça peut nous paraître complètement exagéré, mais c'est purement exact. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on voit dans tout le film. Mais sur ses reproches, violence, coquille vide... Alors effectivement, il y a eu un backlash très très fort contre Pulp Fiction, qu'on accusait d'une certaine façon d'être le symbole de la postmodernité, qui détruit tout, qui met tout au même niveau, c'est-à-dire la mort comme la banalité la plus totale, donc comme si plus rien n'avait d'importance. Mais quand on regarde le film, c'est amusant parce que c'est la même chose avec Reservoir Dogs. Tout le monde parle de cette scène de l'oreille tranchée, sauf que cette scène de l'oreille tranchée, elle n'existe pas. Tarantino ne la filme pas. Il filme un coin de plafond et c'est nous qui nous imaginons le pire. Alors évidemment, il met tout en place pour qu'on se l'imagine de façon assez saisissante, mais en effet, il n'est pas si violent quand on regarde attentivement ces films. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Il y a un côté décalé, il ne faut pas lire ça au premier degré, évidemment. Évidemment que non. Évidemment que non. Puis surtout quand on les regarde attentivement, on se rend compte que la mort chez Tarantino est toujours tragique. Elle est toujours prise au sérieux. Elle n'est jamais traitée par-dessus la jambe. C'est des événements extrêmement traumatisants pour les personnages. Même s'ils continuent à être cool, à être décalés, à rire, à avoir des discussions sur les massages de pieds ou etc., reste qu'ils sont fondamentalement humains. Puis je pense que c'est peut-être ce qu'on lui reproche au fond. C'est-à-dire que ces personnages sont des archétypes. Oui, c'est les tueurs à gages. Oui, c'est la femme du gangster, la femme fatale, etc. Mais au fond, ils sont comme nous. Ils arrivent en avance à leur rendez-vous. Ils parlent des différences qui peuvent exister entre les burgers aux États-Unis et les burgers en Europe. Il y a quelque chose de fondamentalement humain. Des personnages extraordinaires en même temps que très ordinaires. Exactement. C'est la banalité aussi qui intéresse Tarantino. C'est-à-dire que c'est... Oui, ils ont des occupations hors du commun, mais dans leur façon de réagir, ils sont d'une banalité, d'une... dans ce que l'humain peut avoir de plus... de moins glorieux, disons. Ouais. Avec le recul, Hélène, bon, il y a eu toute cette controverse, mais quand on prend un peu de recul, qu'est-ce qui reste de ce film, Pulp Fiction? De quelle manière ce film-là va être important, je dirais, dans l'histoire du cinéma, mais aussi dans la manière dont l'industrie du cinéma et le cinéma indépendant, entre autres, va faire du cinéma? Effectivement, il y a eu deux influences majeures de Pulp Fiction. La première est commerciale, c'est-à-dire que c'est vraiment le film par lequel Miramax a, les frères Weinstein et Miramax ont assis leur emprise sur l'univers du cinéma indépendant américain. Ils ont commencé à produire et à distribuer des films avec cette idée de grandeur, c'est-à-dire que leur petit film indépendant allait pouvoir avoir des palmes d'or, avoir des Oscars, gagner des millions de dollars. Et ça a été le cas. Ils mettent du fric sur la promotion de ces films indépendants, entre autres. Absolument. C'est eux qui, après Pulp Fiction, ont sorti Good Will Hunting, Shakespeare in Love, Chicago, Le Patient Anglais, Scream. Donc ça a marché. Ils ont compris un modèle d'affaires avec Pulp Fiction qu'ils ont réutilisé avec beaucoup, beaucoup de succès par la suite. Et puis l'influence artistique de Pulp Fiction, elle est absolument indéniable, que ce soit dans la déconstruction narrative. Par exemple, tout ce que fait Iñárritu, notamment au début dans Amores Perros, on peut le relier à Pulp Fiction. L'humour et la violence, de les mélanger comme ça, on peut le voir dans les films de Guy Ritchie, le Britannique, chez Bryan Singer. L'utilisation de la musique, les acteurs oubliés, parce que c'est aussi Tarantino, ça, d'aller chercher un acteur comme Travolta, qui à l'époque... traverser le désert, absolument, littéralement, et de lui redonner une gloire comme ça, absolument inattendue. On l'a vu aussi chez d'autres cinéastes après Tarantino. David Fincher, Tom DiCillo, le Memento de Nolan, Out of Sight de Soderbergh. Tous ces films des années 90 et même début 2000 ont été marqués artistiquement par Tarantino, c'est évident. On y revient, en fait, on boucle la boucle. Ça a dérangé cet establishment cannois parce que c'était le signe de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle génération qui cognait à la porte. Finalement. Tout simplement, je pense aussi. Ouais, ça, on dérangeait des gens qui étaient bien en place et qui pensaient que le cinéma n'avait qu'un seul visage. Ouais. Hélène Faradji, c'était fascinant, critique de cinéma, auteur de l'essai « Réinventer le film noir, le cinéma des frères Coen et de Quentin Tarantino » publié aux éditions Cartanin. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.